de la moitié. Et qu'on pourrait rêver avec les risques qu'ils prennent. Et tu sais, pour investir. Et faire ruisseler les grandes entreprises en 2024, en 2025. On peut licencier les grandes entreprises en 2024, en 2025. On détruit l'emploi. Seuls les petits patrons, les PME, font marcher l'économie. Et c'est à eux qu'on prend tout. C'est à eux dont on se fie. C'était le sous-fifre capital. Capitaliste, attention à qui tu défends. Si souffris, ne sois pas un sous-fifre. Si tu comprends pas, entends. Tu meurs de faim et le copain, non. Et pourquoi? Y'a un mal d'homme ou y'a un truc que tu comprends pas. Y'a quatre cousins qui possèdent. Et les autres écrivent les lois malgré tout, malgré toi. Bosse un peu plus, 211 milliards pour nous. Bosse un peu plus, y a 2 milliards de trous. Allez, bosse un peu plus, et 211 milliards pour nous. Bosse un peu plus, y a juste un petit accro. Petit escroc, c'est un trou. Année blanche, tout bloqué. Oh, il faudra récupérer les béquilles des handicapés. Quand ils auront canné, ils l'ont dit à la télé, y'a vraiment plus de honte. Franchement, ces mecs, ils sont là-haut. Ils laissent leurs enfants se faire violer, c'est fort. Qu'est-ce que tu fiches de toi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu crois là? Il faut pas faire de bruit aujourd'hui, mais... Ça ne dérange pas, ça. Juste explique-moi pourquoi. Allez, explique. Il m'en faut un peu plus. Il faudrait qu'il me prenne un rein pour que je me dégaine, pour que je m'énerve enfin. Empoisonne mes enfants, mais ça c'est pas trop dément. Tant pis, ça je m'en conforme énormément. Je m'énerverai demain. Je m'énerverai demain. J'attends mon cancer enfin. Mon remboursé à mes frais mérite à côté tu ornais, tu le sais. J'attends enfin de payer mes soins. Oh, tu sais, c'est qu'il y en a qui s'en foutent pas les poches, en foutent rien. Qui? Y en a qui mènent la grande vie au RSA à 400 euros. Y'a des gens qui s'en foutent plein les poches, en foutent rien. C'est vraiment eux la haine. Tant pis s'ils meurent de faim. Quoi? Le premier poste de dépense de l'État, c'est pour des gens qui n'en ont pas besoin. Quoi? Le record de dividendes en 2022, en 2023, en 2024, y a pas de profiteurs de crise. Il faut qu'on se serre la ceinture tous. C'est de notre responsabilité, vous êtes des branleurs. Et c'est aussi la faute des immigrés. Même si jamais pendant le Covid, on vous a demandé d'aller récolter le raisin, le maïs, parce qu'il n'y avait plus personne et que vous êtes tous vieux. La faute, c'est les autres. la faute c'est les Arabes, évidemment. Évidemment, tu vois le lien. C'est clair. This is cool vibe. If you wanna show yourself, I'm saying a lot of political nonsense, and I really would understand. Then you do your face to be linked to this crazy love wave.